Je t'aimais par tous les temps, quand on s'accordait au présent, quand il et elle devenaient nous sommes de nos deux cœurs jaloux. Mais l'accord entre nous, depuis le jour où tu m'émus, me rendit un peu fou, au point de me fourrer le doigt dans l'œil. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, notre passé postérieur était bien moins qu'imparfait. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, je ne t'aime pas, c'est simple. Tu venais par tous les temps, inconditionnel de ces moments de nos devoirs conjugaux. La douceur de tes caresses sur mes terminaisons laissait plus place au verbe quand tu jouais au matou. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, notre passé postérieur était bien moins qu'imparfait. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, je ne t'aime pas, c'est simple. C'était pour toi impératif, un futur constructif, une belle petite maison, des singuliers et un cochon. Et pourquoi pas un plus, un petit bonhomme minus, saisi des saugrenus, sorti tout droit de ton esprit. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, notre passé postérieur était bien moins qu'imparfait. Ce grand flot de sentiments, nous nous noyons dans les temps du passé et du présent. À une seule condition, avec un peu de savoir-être, tu aurais pu m'avoir, mais ce n'est pas notre histoire. Je t'aimais, c'est pas si compliqué, notre passé postérieur.